Bonjour amis béliers, alors on va regarder, on est le 2 septembre et on va regarder donc quel est le message de Béline pour vous pour le mois de septembre 2022. Alors, pour les amis béliers, que va dire le Béline pour ce mois de septembre? Ouh, vous êtes un peu secoué dans votre petit confort, bon la rentrée apparemment. Elle vous secoue un peu. Vous avez peut-être un peu de mal à vous y adapter. Mais on va voir les détails du tirage. Au bélier, septembre 2022. Quel est le message du bélier? Ah, décidément. Oh, heureusement. Bon, alors, ça parle de finances. Donc, en effet, apparemment, là, rapidement, lors de la rentrée ou durant les 15 premiers jours, peut-être la première semaine de septembre, vous risquez de découvrir d'avoir une mauvaise nouvelle financière et d'être un peu secoué. Par rapport à cela, une aide que sur laquelle vous comptiez qui n'arrive pas, ou une facture majorée, ou une dépense inattendue. Donc voilà, alors pourquoi je parle de finances? Parce que la corne d'abondance, elle rayonne sur votre jeu. Mais heureusement, en conclusion, j'y ai la clé et en synthèse le plaisir, ce qui signifie que cette problématique va s'arranger rapidement et que vous ne devez pas vous inquiéter, puisque derrière, vous allez pouvoir peut-être obtenir un délai supplémentaire pour payer, ou vous allez avoir la solution financière qui va se proposer à vous de toute façon. Voilà, alors après les cas sont les uns les autres très différents selon les natifs que vous êtes. Donc je m'adresse à tous les béliers, donc parfois ça reste un peu général, mais sachez que donc par rapport à une grosse frayeur, hein, on va dire, financière, les choses vont s'arranger. Alors ayez confiance. Bonjour amis taureaux, on va regarder, donc nous sommes le 2 septembre et on va regarder ce que vous propose l'oracle de Béline pour vous, les taureaux, en cette date du 2 septembre, mais pour tout le mois de septembre 2022. Quel est le message de l'oracle de Béline pour le mois de septembre 2022? Bon, apparemment de bonnes nouvelles. La chance est avec vous, le bonheur est sur vos pas, c'est bien parti. On va voir dans les détails. Quel est le message de l'oracle de Béline pour les taureaux? Septembre 2022, taureau. Alors, on y va, on découvre. Je découvre le tirage en même temps que vous. Bon, bien, apparemment, en effet, vous êtes de bonne composition, amis taureaux, en ce mois de septembre. Et vous êtes bien parti. Vous êtes assez philosophe, vous faites preuve d'intelligence et de recul, et vous faites confiance au destin, en la chance. Et donc, c'est vrai que cette année-ci, apparemment, eh bien, vous ne vous inquiétez pas outre mesure et vous avez raison. Alors, puisque tout ce qui est doute, inquiétude, peut-être stress par rapport au travail, à la rentrée des enfants, etc. Eh bien, vous l'évacuez très vite. Et c'est vrai que vous êtes parti avec une belle philosophie de vie. Vous êtes décidé à garder la paix en vous-même. Et vous savez que c'est ainsi que vous pourrez résoudre le maximum de choses. Alors, l'oracle de Béline vous dit apparemment bravo. Gardez cet état d'esprit optimiste, positif, puisqu'apparemment, de toute façon, eh bien, tout va très bien se dérouler pour vous au mois de septembre. Donc, continuez comme ça. Alors, amis Gémeaux, en ce 2 septembre 2022, quel est le message de l'oracle de Béline pour vous, pour tout le mois de septembre 2022? Quel est le conseil, s'il y en a un? Bon, déjà, apparemment, vous allez apprendre des choses qui vous apaisent, donc c'est bien parti par rapport à la coupe. Alors, donc, le Gémeaux, septembre 2022. Quel est le message du Bélin pour vous, amis Gémeaux? Hop, allez, je découvre en même temps que vous le tirage. Alors, par rapport à tout ce qui est contrat dans les établissements, donc ça, à mon avis, c'est contrat professionnel dans les endroits, votre bureau, votre entreprise, votre commerce, etc., quel que soit votre travail, ça va parler de cela, du contrat et donc de l'argent que vous attendez, des gains que vous attendez, qui vous sont promis. Eh bien, apparemment, il y a une mauvaise surprise. C'est vrai que vous risquez de ne pas forcément avoir, vous voyez, c'est confirmé par cette carte Volpert, avoir autant que vous le pensiez. Alors normalement, bien, les contrats sont signés et tout est déjà mis en place. Mais si vous attendiez un nouveau contrat, de nouveaux arrangements, des avenants favorables pour vous, etc., ben, ça risque de ne pas se produire, ça risque d'être remis en question. Donc l'oracle de Bélin vous dit de ne pas perdre évidemment votre sang-froid. Le travail est là, il y en a, mais vous risquez de ne pas gagner autant que vous le pensiez en ce premier mois de la rentrée de 2022. Donc bon courage, gardez le cap de toute façon. Voilà, j'en retire une. Je ne l'ai pas choisi, c'est la réussite. Vous allez y parvenir, vous y arrivez. Mais malheureusement, le mois de septembre n'est pas des plus encourageants financièrement. Alors bonne rentrée en tout cas et gardez le bon cap. Alors amis Cancer, que va nous dire l'oracle de Bélin en ce 2 septembre pour tout le mois de septembre? Quel est le message pour vous amis Cancer pour septembre 2022? On va voir. Bon, la coupe, elle parle un peu d'isolement ou d'un contrat ou d'une union qui ne se fait pas ou qui se fait attendre. On va regarder quel est le message de l'oracle de Bélin pour vous, Cancer 2022, septembre. Hein. Septembre, septembre, septembre, septembre, pour les cancers, septembre. Ah. Bon ben apparemment c'est plutôt affectif. On dirait que vous attendiez, vous avez été un peu déçu ou vous allez déçu début de mois par l'attitude de quelqu'un qui est d'habitude plus généreux, plus ouvert. Vous attendiez à des gestes ou des appels de la part de cette personne. Et c'est vrai que sur le moment, ben, vous êtes fâché, vous n'êtes pas bien, cela peut vous entraîner des questionnements et une certaine difficulté intérieure. Mais heureusement, ne vous faites pas trop de mal parce que apparemment, vous allez découvrir quoi? Eh bien, ça y est, les nouvelles arrivent, nouvelles. Nouveau message, alors j'ai une nouvelle, hein, donc c'est vraiment un message, ça peut être écrit, téléphonique. En tout cas, il y a une déclaration d'amour ou un rapprochement. Quelqu'un à qui vous tenez se manifeste enfin et cela vous fait vraiment très très plaisir. Donc encore une fois, pas trop d'inquiétude en début de mois. Les choses arrivent en temps et en heure et normalement au mois de septembre, eh bien, vous allez être satisfaite affectivement. Alors profitez-en. Amis Lyon, bonjour, on est le 2 septembre donc 2022 et je vais demander à l'oracle de Bélin quel est son message pour vous, les Lyons, pour tout le mois de septembre. Alors, en ce qui concerne les Lyons, quel est le message ou le conseil de l'oracle de Béline pour tout le mois de septembre 2022? Bon, ça parle d'entreprise, d'invitation, d'initiative à prendre pour voir du monde, ou également de démarche professionnelle. On va voir ça plus en détail. Quel est le message de l'oracle de Béline pour les lions septembre 2022? Je découvre le tirage en même temps que vous. Alors, j'essaie d'y mettre, de mettre un peu les choses. Oula. Après, ça va. Ouf, heureusement. Après, ça va. Bon, ben, il y a des petits soucis, je dirais, dans le foyer pour les lions. Il y a des fâcheries, on se fait la tête. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas, mais apparemment, il y a un blocage, des retards sur la réalisation de certaines choses en couple ou en famille. Et cela entraîne un climat un peu conflictuel où chacun fait le procès de l'autre. Et c'est très désagréable. Alors heureusement, ben, le message c'est quoi? J'y continue à tirer vu ces cartes. Eh bien, le message il dit de garder confiance, pleine confiance en vous, puisque vous continuez à séduire votre entourage, tel est le message, et que vous ne devez pas craindre pour votre couple ou pour l'union de votre famille, de votre clan. Les choses vont rester solides, mais après un petit passage à vide, alors patience et ne jetez pas d'huile sur le feu. Voilà. Bonjour amis vierges, nous sommes le 2 septembre et je vais regarder pour vous quel est le message de l'oracle de Béline pour vous ce 2 septembre 2022, mais le message donc pour tout septembre. Quel est le conseil peut-être de l'oracle de Béline? Oula, la coupe elle est un peu électrique. Elle indique des difficultés, peut-être des fâcheries. Mais je ne peux pas en dire plus parce qu'une coupe, c'est une coupe, ça reste très succinct. Ça donne une coloration au jeu, mais peut-être que le tirage sera bon, hein. On va voir. Donc, quel est le tirage pour vous? Vierge, Vierge, Vierge, septembre 2022. Alors, j'ai déjà tiré cela. Regarder et découvrir le tirage en même temps que vous. Alors, oula. Alors, amis vierges, vous êtes pleine, je suis en train d'emporter la table. Vous êtes pleine de bonne volonté. Vous donnez un maximum de vous-même, comme vous savez le faire, dans vos amours, dans vos amitiés, en famille. Vous êtes quelqu'un qui aimait faire plaisir et garder ce cœur précieux que vous avez, parce que malgré tout, apparemment au mois de septembre, il va y avoir des difficultés et un rapport de force par rapport à une personne cela va vous agacer. Vous allez peut-être avoir l'impression même que vous risquez de couper les ponts avec quelqu'un qui est dans votre entourage. Et regardez, il y a des histoires de jalousie, un ennemi déclaré. Apparemment, ça parle de problèmes relationnels et une personne qui... les choses ne s'arrangent pas avec une personne avec qui vous allez entrer en conflit ou avec qui vous êtes en conflit depuis un moment, et les choses vont à nouveau se compliquer en septembre. Alors, qu'est-ce que ça dit? Écoutez, évitez les rencontres pour l'instant avec cette personne. N'en rajoutez pas si vous rencontrez des personnes communes, parce qu'il y a une mauvaise ambiance dans tout ce qui est repas familiaux, tout ce qui est rencontres obligatoires. Pour le moment, évitez un petit peu d'en rajouter, évitez plutôt les personnes avec qui vous êtes en conflit, et ça ira bien, parce que le tout c'est de réussir à apaiser tous ces courants assez tendus. Donc vous allez y arriver, mais en septembre apparemment, eh bien vous devez prendre beaucoup sur vous-même, garder un cœur généreux pour accepter certaines situations, certains conflits et certains comportements. Alors bon courage. Amis Balance, on est le 2 septembre et je vais regarder pour vous donc quelles sont les influences pour tout le mois de septembre. Donc quel est le message pour vous de l'oracle de Béline pour septembre 2022 pour les Balances? Alors, la coupe. Oh, c'est plutôt beau ça. La réussite et chance, providence. Hasard qui fait bien les choses, on y met ce que l'on veut. En tout cas, c'est bien parti. En tout cas, la coupe est favorable. Quel est le message de l'oracle de Béline pour les balances en septembre 2022? Ah! Eh bien, par rapport à peut-être des choses que vous avez eu envie de laisser tomber au mois d'août, tout début septembre. Eh bien voilà, vous allez recommencer cette rentrée ou ce mois de septembre avec beaucoup de confiance en vous. Et j'ai l'impression que vous pourriez demander un changement par rapport à un contrat et au travail. Et moi, j'ai l'impression que vous allez avoir envie de demander une augmentation ou une amélioration de vos conditions au travail. Alors c'est le moment de le faire, voilà ce que dit l'oracle de Béline, parce que vous pourriez avoir une pleine satisfaction. Donc n'hésitez pas à mettre en avant vos talents, n'hésitez pas à revendiquer certains droits. Vous savez y faire de toute façon, vous avez assez de diplomatie pour le faire bien correctement. Donc voilà, c'est le moment en tout cas de batailler un peu pour vous valoriser au travail, mais normalement, bah, vous ne devrez pas beaucoup vous user à cela, puisqu'on va reconnaître vos mérites. Alors, bonne chance. Bonjour amis Scorpion, nous sommes le 2 septembre 2022 et je vais regarder pour vous quel est le message de l'oracle de Béline pour tout le mois de septembre 2022. Qu'en est-il des Scorpions? Quel est le message du Béline? Scorpion, Scorpion. Bon, apparemment, il y a peut-être des nouvelles ou une attente de votre part financière, pratique. Et on va voir si vous allez avoir ces nouvelles ou pas. Quel est le message de l'oracle de Béline? Je découvre en même temps que vous le tirage. Pour septembre 2022, Scorpion. Oh. Oui, apparemment, bon, écoutez, apparemment, vous commencez bien au mois de septembre, vous partez en paix, mais malheureusement, il y a des retards sur des attentes, comment dire, des droits que vous attendez, peut-être des remboursements, des aides financières. Et ben, vous allez pas mal peut-être vous énerver, vous fâcher par rapport aux administrations. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour démarrer septembre, mais ensuite les choses vont évoluer. Voilà, donc voilà, c'est bon, vous voyez les nouvelles arrivent. Donc sachez que la situation va se débloquer, mais la première quinzaine de septembre risque d'être un peu compliquée pour vous parce que ce que vous attendiez au niveau financier, administratif, j'ai l'impression, des démarches sur lesquelles vous comptiez, eh bien, n'aboutissent pas. Et donc voilà, donc c'est vrai que vous allez pas mal pester, mais ne vous inquiétez pas, essayez de dormir tranquille puisque les choses vont se résoudre au cours du mois de septembre. Alors bon courage. Bonjour amis Sagittaire, alors quel est le message de l'oracle de Béline pour le mois de septembre 2022? Je fais le tirage le 2 septembre. Que vous annonce cet oracle de Béline pour vous, amis Sagittaire? Oh! des pensées et de l'ardeur, des pensées d'amour ou d'amour ou d'amitié puissante. En tout cas, soit vous pensez à quelqu'un, soit quelqu'un pense à vous. Et c'est assez intense, ce sont des bonnes choses. On va voir si le tirage correspond. Parfois, ça peut parler d'autre chose. Puisque la coupe, elle colore le tirage. Mais le tirage est plus précis. Alors, écoutez, c'est excellent pour vous, amis Sagittaires. En effet, on a vu dans la coupe que beaucoup de gens pensaient à vous, ou quelqu'un en tout cas en particulier qui vous tient à cœur. Ici, j'ai des invitations, de nombreuses invitations. Et vous allez, grâce à toutes ces invitations, amicales, amoureuses, peut-être même autres, des invitations avec tout un cercle de personnes qui pourraient vous appuyer, donc il ne faut pas les refuser, et bien vous allez découvrir vraiment beaucoup d'envie des autres de vous voir, beaucoup de générosité qui circule, et vous allez vous sentir vraiment mise en valeur dans votre vie sociale. Alors vivez ces moments pleinement, essayez de ne pas refuser, même si parfois vous hésitez à sortir, parce que là franchement c'est le moment de consolider, de renforcer votre réseau, et donc cela peut vous servir par la suite, que ce soit pour des raisons donc plus privées, amicales, amoureuses, ou pour des raisons plus sociales, socio-professionnelles. Donc voilà, donc eh bien ouvrez-vous à toutes ces sollicitations et profitez-en. Amis Capricorne, quel est le message de l'oracle de Béline pour vous pour ce mois de septembre 2022? Donc on est tout début septembre, on est le 2. Je vais vous demander à l'oracle de Béline pour vous quel est le message ou quel est le conseil. Alors la coupe, hop. Par rapport à des inquiétudes que vous pourriez avoir, il y a un renouveau. Donc la rentrée devrait bien se passer. Quel est le message de l'oracle de Béline pour les Capricornes? Capricorne, septembre 2022. Capricorne, septembre 2022. Capricorne, septembre 2022. Alors, on va voir cela. Bon, c'est bien, oui, ça redit à nouveau que peut-être vous craignez quelque chose, vous avez craint quelque chose fin août ou tout début septembre, en ce moment même. Vous risquez peut-être de ne pas retrouver certains avantages, ou vous avez juste un peu peur de la rentrée. Et vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé, on va dire. Eh bien, il n'y a pas de crainte à avoir, puisque normalement, les meilleures choses vous sont promises. S'il y a eu des promesses, eh bien, elles vont être... les gens vont aller jusqu'au bout de celle-ci, et si vous attendiez tout simplement de rentrer dans une bonne ambiance, en étant suffisamment valorisé, et moi j'ai l'impression qu'ici ça parle d'activité, de travail, eh bien ayez confiance en vous, parce que vous allez assumer pleinement face aux responsabilités, vous allez vraiment inspirer confiance. Et vous allez justement, normalement, remporter des petites victoires. Donc, foncez, soyez sûr de vous, puisque ce mois de septembre devrait, au contraire, très très bien se passer, au contraire de vos craintes. Alors, ayez confiance, continuez comme ça. Amis Verseau, bonjour, nous sommes le 2 septembre 2022 et je vais demander pour vous, les Verseaux, quel est le conseil ou le message de l'oracle de Béline pour tout le mois de septembre. Verseau, septembre 2022. Discussion de finances, des discussions concernant des revenus, de l'argent, des placements. On va voir ça. quel est le tirage et donc le conseil, le message pour les Verseaux pour le mois de septembre. Oui, en effet, c'est ça. Mais bon, il y en a beaucoup. Ça donne quoi? Ah, ça va, c'est bon. Bah écoutez, en fait, vous êtes plein d'enthousiasme, j'ai l'impression, pour cette rentrée. Vous avez plein d'envie de réalisation et peut-être d'embellissement de votre intérieur. Vous avez l'idée de renforcer votre confort matériel, celui de votre famille, de votre entourage, puisqu'ici j'ai la maison. Et donc, que ce soit par rapport à vos achats personnels ou par rapport plutôt à des achats à faire pour la communauté, eh bien, vous allez avoir des bonnes négociations, vous allez bien négocier et vous allez recevoir normalement, avoir suffisamment de revenus pour vous faire plaisir et faire plaisir à votre entourage. Et même certains d'entre vous pourraient même avoir une augmentation financière au travail. Donc, bien, c'est un excellent mois de septembre pour vous. Et pour ceux qui avaient des difficultés matérielles, pratiques, eh bien, les choses s'arrangent rapidement. Donc, profitez-en, amis Verseaux. Bonjour, amis Poissons. Alors, quel est le tirage de l'oracle de Béline pour vous ? Pour tout le mois de septembre 2022, je vais regarder cela, on est le 2 septembre aujourd'hui. Donc quel est votre tirage, quel est le conseil ou le message de l'oracle de Béline? Alors la coupe, oups. Bon, on va voir quels sont... ça parle de problèmes par rapport à un déplacement. Alors apparemment, un déplacement va être annulé, un petit voyage, un déplacement. Donc j'espère que vous ne voyagez pas trop en septembre. Et sinon, bah, méfiez-vous des retards, des reports, des pannes, des choses comme ça lors de vos déplacements. Mais on va voir quel est le tirage. Parce que là, la coupe, elle a pas mal parlé déjà. Mais si ça se trouve, le tirage n'a rien à voir. Parfois, c'est le cas. Mais il y a déjà eu un conseil, en tout cas. Alors, oui, évolution, ah ça va. Bah, en fait, vous êtes vraiment volontaire en ce début septembre, ami poisson, et normalement vous vous sentez assez bien dans votre peau, et vous vous êtes bien reposé, ou en tout cas vous avez pris de la lumière, du soleil, même si vous avez travaillé durant le mois d'août. Vous attaquez l'année avec l'année scolaire, hein, je veux dire, septembre avec beaucoup de vigueur, de jeunesse intérieure. Et pourtant, malgré tout, vous vous demandez si vous allez continuer à évoluer aussi bien, si vous allez garder cette forme, parce qu'ici ça parle de forme principalement. Eh bien, cela vous dit, le tirage vous dit que oui, vous allez... éviter de tomber dans la fatigue, la lassitude trop rapidement parce que il y a des nouvelles activités. Alors peut-être que vous allez commencer un nouveau loisir, peut-être qu'il y a de nouvelles missions au travail, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous en cette rentrée de septembre et cela va vous faire beaucoup de bien, ça va vous éviter eh bien, de vous décourager, ça va vous éviter de vous ennuyer surtout. Et peut-être que ça va garder cette magie dans la vie dont vous avez besoin. Et donc, vous allez rester en pleine forme tout le mois de septembre. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Profitez-en.